C'est un personnage de roman noir. Agent secret, escroc, éminence grise, tortionnaire, trafiquant de drogue, le Péruvien Vladimiro Montesinos a accumulé une gigantesque fortune avant d'être rattrapé par la justice et écroué l'an passé. Non sans avoir tenté de passer à travers les mailles du filet en modifiant ses traits grâce à une opération de chirurgie esthétique. L'histoire de Montesinos, le Rasputin péruvien, comme on l'a surnommé, jette une lumière crue sur ces pays d'Amérique du Sud, minés par la corruption et la violence, soumis et manipulés par leurs grands voisins du Nord. Elle éclaire aussi le long règne de celui que les Péruviens appelaient le Chinois, le président d'origine japonaise, Alberto Fujimori. Montesinos a en effet été le conseiller influent et même l'âme damnée du président péruvien. Les deux hommes étaient inséparables. L'un gouvernait d'une main de fer et obtenait d'excellents résultats sur le plan économique. L'autre agissait dans l'ombre, recourant aux pires méthodes pour assurer le pouvoir de son ami et associé. Mais qui était le mentor de ce duo? Qui dirigeait vraiment le pays? Fujimori ou Montesinos? En septembre 2000, c'est le scandale. La diffusion d'une cassette vidéo révèle une partie des activités obscures de Vladimiro Montesinos. Celui-ci s'enfuit. Deux mois plus tard, Alberto Fujimori se réfugie au Japon et démissionne. Et l'on découvre peu à peu l'étendue des exactions perpétrées par les deux complices. Mais qui a réellement fait tomber ce duo infernal et pourquoi? Monsieur X se propose de répondre à ces deux questions. Alberto Fujimori, c'est une sorte d'extraterrestre dans la vie politique péruvienne. Ça veut dire quoi, ça? Lorsqu'il se présente à l'élection présidentielle en 1990, cet ingénieur agricole et recteur d'université est un quasi-inconnu. D'origine japonaise de surcroît dans un pays où il n'y a que 10% d'immigrés asiatiques. Quand même, hein? Ouais. Mais en outre, en face de lui, il y a un candidat prestigieux, l'écrivain Mario Vargas Llosa. Ouais, je me souviens que tout le monde donnait ce dernier gagnant. Bien sûr. Or, première surprise, au premier tour, il talonne Mario Vargas Llosa. Et au deuxième tour, il gagne. Très confortablement, oui. Et sur quel programme, alors? Il a un slogan, travail, honnêteté, technologie. Un peu flou, non? Ça marche. Il faut dire qu'en 1990, la situation du Pérou est catastrophique. L'économie s'effondre, l'inflation atteint des niveaux records et la plus grande partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et il y a encore la corruption généralisée, le choléra et une guerre civile qui ensanglante le pays. Ah, c'est le fameux sentier lumineux. Oui, une narco-guérilla d'obédience maoïste. Et aussi le mouvement révolutionnaire Tupac Amaru. Bref, le Pérou est alors au bord de l'effondrement, la population est lasse, et ce sont justement les classes populaires et la gauche qui ont donné leur voix à Fujimori. D'ailleurs, au cours de sa campagne, Fujimori s'est présenté comme le porte-drapeau des laissés pour compte. Mm-hmm. Et politiquement, alors? Fondamentalement, Fujimori est un libéral. Il va très vite le prouver en prenant à contre-pied son électorat populaire. Il inflige en effet au pays un plan de rigueur sans précédent, dont les premières victimes sont naturellement les plus pauvres. Mmh. Et brièvement, là, en quoi ça a consisté, là, ce plan? Il a voulu rétablir la vérité des prix et donc supprimer toutes les subventions. Le résultat, ce Fujishock, comme les Péruviens l'ont appelé, ça a été une flambée immédiate de toutes les denrées de base. Je ne vous donnerai qu'un exemple. L'essence a augmenté de 3000%. Mais en revanche, cela a permis de maîtriser l'inflation. Et après une période de récession, le Pérou va connaître une croissance importante. Oui, mais comment les Péruviens ont accueilli ce traitement de choc, là? Oh, Fujimori s'y attendait. Il y a bien eu des manifestations de protestation. Mais dans l'ensemble, la population a accepté cette cure de rigueur. Et puis, le président péruvien tenait d'une main ferme les rênes du pouvoir. Et il bénéficiait du soutien de l'armée, ce qui est indispensable dans un État d'Amérique latine. Ouais, surtout dans un pays déchiré par une guerre civile. Oui, ouais. D'ailleurs, Fujimori va assigner à l'armée la mission de mettre fin le plus vite possible à cette guerre. Il faut savoir qu'à l'époque, le Sentier Lumineux, qui est le mouvement le plus sanguinaire, contrôle des secteurs entiers du territoire péruvien. Mmh. Les guerriers aussi font la loi et contrôlent en particulier la production de la coca. La coca, une activité lucrative. En effet. Et avec l'aide des Américains, le gouvernement péruvien va mener une lutte très active contre les guérillas. En 1992, les chefs du Sentier Lumineux et de Tupac Amaru sont arrêtés. Pourtant, il y aura plus tard cette spectaculaire prise d'otage à l'ambassade du Japon à Lima. Hein. En 1996, vous avez tout à fait raison. Ce sera le champ de cygne du Tupac Amaru. Mais on en reparlera peut-être un jour, car l'affaire reste malgré tout très mystérieuse. Ouais, en tout cas, Fujimori là, fait là une démonstration de force. Oui, hein. Oui, c'est lui qui ordonne personnellement l'assaut. Et il courra ostensiblement au milieu des soldats qui ont tué tous les preneurs d'otages. Le président Rambo, quoi. Oui, enfin, c'est à peu près ça. Quoi qu'il en soit, bon, fondamentalement, ses premières années au pouvoir sont plutôt positives. Ça, c'est incontestable. Sa politique néolibérale donne des résultats. Il privatise, il attire des investissements étrangers, il paie ses dettes, et il est considéré par le Fonds monétaire international comme un bon élève. Ouais, c'est pas toujours un compliment, ça. Oui. Ce boom économique ne profite pas à tout le monde. Le travail est précaire et l'économie souterraine ont proliféré. Il y a toujours une bonne moitié de la population qui vit dans la misère. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'au cours des années, le régime va se durcir, une véritable dérive autoritaire. Mario Vargas Llosa, l'ancien concurrent de Fujimori, pourra même parler de démocrature. Démocratie, c'est-à-dire, attendez, une apparence de démocratie, mais en réalité une dictature. C'est ça. Et puis ça commence très tôt, en 1992. Fujimori vient donc de remporter de vrais succès contre les guérillas, mais sur le plan politique et social, il est contesté. Alors, pour faire taire cette opposition et renforcer son pouvoir, il organise un auto-coup d'État. Un auto-coup d'État, ça veut dire quoi, ça? Il dissout le Parlement, fait adopter une nouvelle constitution qui renforce les pouvoirs de l'exécutif. Ça n'a pu se faire naturellement qu'avec l'accord de l'armée, ça ce n'est qu'un début. En 1995, après une réélection triomphale, il accroît encore ses pouvoirs et ceux de l'armée. Et alors que la Constitution ne permet pas au chef de l'État de se représenter pour un troisième mandat, Fujimori bricole une loi qui lui donne cette possibilité. Ouais, on peut donc parler de pouvoir personnel. Absolument, il ne fait pas bon s'opposer à sa volonté. Trois juges du tribunal constitutionnel qui ont contesté cette loi ont été purement et simplement limogés. Mais voyons. La presse est bâillonnée, les journalistes physiquement menacés, et des opposants sont arrêtés, parfois torturés. Et en 2000, Fujimori ne devra sa réélection qu'à une fraude colossale. Ouais. Mais comment expliquer alors cette dérive progressive, c'est la soif du pouvoir? Certainement. Mais la vraie raison, en tout cas la plus importante, c'est la présence auprès du président péruvien d'un homme, Vladimiro Montesinos, un conseiller tout-puissant. Le chef des services secrets, numéro 2 du régime, dans les faits. Et sans doute même le numéro 1. Ah bon, vous voulez dire que ce Montesinos était peut-être le vrai maître du pays? Je le pense, en effet. Alors, parlons de cet homme de l'ombre, alors. Volontiers. Vous avez raison de parler d'homme de l'ombre, car Montesinos apparaissait très peu en public, à tel point qu'il n'existait pratiquement pas de photo de lui. Autre détail intéressant, ses parents lui ont donné comme prénom Vladimiro Ilitch. Ah, en hommage à Lénine. Exactement. Comme Carlos. Oui, mais Montesinos, lui, ne deviendra pas un terroriste international, mais une sorte de voleur officiel. Enfin, n'allons pas trop vite. Vladimiro commence sa brillante carrière dans l'armée. Il fait d'abord un stage dans une institution militaire américaine située à Fort Benning. Il me semble que vous avez déjà évoqué ce Fort Benning. C'est exact. Fort Benning y a vu passer la plupart des militaires d'Amérique latine qui feront tristement parler d'eux plus tard. Les Noriega, Videla, Banzer, etc. Tous ces officiers putschistes et tortionnaires qui feront régner la terreur dans leur pays. Ouais. Vous insinuez que c'est à Fort Benning là, qu'ils ont appris ces méthodes? C'est certain, mais enfin passons. Après Fort Benning, Montesinos intègre l'école militaire péruvienne. Et il en sort avec le grade de capitaine. Mais déjà, il a de curieuses habitudes. Quoi? Eh bien, le jeune Montesinos fait des fiches. Des fiches sur qui ou sur quoi? Des fiches sur ses camarades, ses profs. Ah, une curieuse mentalité. Ouais. Et Montesinos ne dissimule pas que son héros, l'homme qu'il admire par-dessus tout, c'est Joseph Fouché. Le ministre de la police de Napoléon, ce type a une réelle vocation. Et il réussira puisqu'il finira par être le premier flic du Pérou. Enfin, revenons à l'histoire de ses... Il est donc capitaine dans les années 60, un officier plutôt brillant qui affiche très vite ses ambitions. Une carrière militaire classique ne l'intéresse pas. Ouais, que veut-il alors? C'est le pouvoir qu'il gagne. Oui, la politique. Quoi. Oui, mais pas au premier plan quand même. Pas sous le feu des projecteurs. Montesinos, c'est un manipulateur d'hommes. Ce qu'il aime, c'est la réalité du pouvoir, pas ses apparences. Et il commence tôt. Dans les années 60 et 70, le Pérou est alors dirigé par une junte militaire d'obédience marxiste. Montesinos réussit à devenir l'aide de camp du premier ministre de l'époque, Eduardo Jarrín. Et déjà, on dit que c'est lui

Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à lui refuser. Les fameux dossiers qu'il Oui. Et il a sollicité aussi ses amis trafiquants de drogue. Pablo Escobar, le patron colombien du cartel de Medellín, a contribué pour $1 million. Donc, rien. En secret, évidemment. Fujimori élu va naturellement récompenser Montesinos. C'est évident. Il devient aussitôt son conseiller pour la sécurité et prend la tête du CIN. Ouais, le CIN, c'est les services secrets. Hein. Oui. Et de fait, il est aussi le véritable chef des armées. C'est une puissance considérable. Oui, Montesinos est un véritable homme fort du pays, avant même Fujimori. Mais il n'y a pas de compétition entre les deux hommes. Montesinos n'aime rien tant que l'ombre. Ouais, vous avez dit, vous avez déjà dit ça, mais... Donc il laisse Fujimori parler. Et pendant ce temps-là, lui, il continue de s'enrichir. Ah oui, pas seulement gouverner, il s'enrichit. Mais il dit qu'il a constitué des dossiers sur tout le monde, hein, c'est ça. Et sur Fujimori alors? Bon, écoutez, il m'étonnerait qu'il ait agi autrement avec son ami le président. Après tout, l'avenir n'est jamais sûr. Ouais. Montesinos était bien placé pour savoir qu'Alberto Fujimori n'était pas un parangon de vertu. Ouais. Donc il tenait Fujimori? D'autant mieux qu'il n'a jamais manqué d'associer le président péruvien aux turpitudes et aux actions illégales qu'il a perpétrées. Alors justement là, ces turpitudes... attends, une question avant. Pendant toutes ces années-là, au cours desquelles Montesinos travaille la main dans la main avec Fujimori, est-ce qu'il continue d'être en relation avec les Américains? Ah, forcément. Quand on a commencé, il est difficile d'arrêter. Et puis, franchement, Montesinos n'avait pas envie de rompre. L'agence américaine le rétribuait fort bien. Certains de vos confrères ont affirmé qu'il touchait $1 million par an. Ce qui rendait des services appréciés. Alors. Oui, enfin, encore une fois, n'allons pas trop vite. J'y reviendrai plus tard. Est-ce que... Fujimori savait que Montesinos était un agent de la CIA. Absolument. Et ça ne le gênait pas, outre mesure. Pourquoi? Parce qu'il était pro-américain. Et que la CIA l'aidait à lutter contre les guérillas. C'est d'ailleurs dans ce domaine que Montesinos va d'abord s'illustrer. C'est lui qui coordonne la lutte contre le terrorisme. Un terrorisme particulièrement sanglant, puisqu'il a provoqué la mort de milliers de personnes. Mais... là où le bât blesse, c'est que sous prétexte de lutter contre les guérillas d'extrême gauche, Montesinos va constituer de véritables escadrons de la mort. Comme au Brésil ou en Argentine. Oui, des groupes paramilitaires qui vont commettre de nombreux assassinats. Des assassinats d'opposants, j'imagine. Bien sûr. Ouais. En 92 ou 93, 9 étudiants et l'un de leurs professeurs sont sommairement exécutés à l'université de la Cantuta. Ils ne seront pas les seuls civils à être victimes de ces escadrons de la mort. Est-ce que Montesinos est soupçonné? Oui. Son nom et celui d'autres officiers sont prononcés par des organisations de défense des droits de l'homme. Mais Montesinos et Fujimori ont bien verrouillé le système. Le poste hautement stratégique de procureur général est occupé par une femme qui n'a rien à refuser à Montesinos. Et pendant près de 10 ans, ce dernier ne sera jamais inquiété, alors même que les charges contre lui vont s'accumuler. Par exemple, en 1996... un journal mexicain accuse Fujimori et son âme damnée Montesinos d'avoir partagé avec la mafia aztèque. La même année, lors de son procès à Lima, un trafiquant de drogue péruvien fait des déclarations très embarrassantes pour Montesinos. Il affirme que pendant un an, il a versé $50,000 par mois au chef des services secrets. Oui, mais en échange de quoi? Montesinos l'avertissait à l'avance des opérations de police programmées contre les narcotrafiquants. Oui, je veux bien vous croire, mais... pourquoi ce trafiquant s'est-il soudain mis à parler? Pour se venger. On lui aurait promis de le libérer, promesse qui n'a pas été tenue. En outre, il avait une dent contre le chef des services péruviens. Montesinos avait exigé que le montant de sa prime mensuelle passe à $100,000. Gourmand, hein? Le trafiquant a refusé. Montesinos a fait dynamiter son aérodrome clandestin et l'a obligé à fuir en Colombie. Ouais. Et là encore, Montesinos n'a pas été poursuivi? Non. Non. Et pourtant, l'année suivante, des accusations encore plus graves vont être portées contre lui. En septembre 2000, le Washington Post a consacré un long article au chef des services secrets péruviens. La journaliste Karen De Jong y analyse les rapports entre Montesinos et la CIA. Je cite. Interrogé à propos de Montesinos, la CIA répétait sans cesse que sa politique était de ne pas communiquer sur des sujets relatifs aux renseignements. Mais un officiel du renseignement racontait que c'était le travail de l'agence de maintenir des liens étroits avec les chefs des différents services secrets étrangers. Cet officiel se référait à un rapport de la CIA au Congrès US dans lequel il était noté que l'agence faisait de façon générale soigneusement état des allégations sur les abus en matière de droits de l'homme et prenait une décision délibérée en mettant en balance d'un côté la nature et la gravité de ces abus et de l'autre la valeur potentielle des renseignements obtenus si l'on poursuivait les relations avec le Péruvien. Et plus loin, la journaliste américaine écrit

La diffusion de cette cassette doit faire scandale, hein? Oui, et cette fois, Montesino s'est pris à son propre piège. Car on le voit à l'image corrompre personnellement ce député. Alors que se passe-t-il? Il comprend très vite que cette fois, il ne pourra pas échapper à la justice et il fuit à l'étranger. C'est le début d'une cavale qui va durer plusieurs mois. Mais l'entreprise de démolition continue pendant sa fuite. On apprend ainsi que Montesinos a dissimulé en Suisse et dans quelques paradis fiscaux des centaines de millions de dollars. Alors, comment le président Fujimori réagit-il? Ces révélations sont tellement accablantes qu'il est obligé de lâcher son homme de confiance. Et dans un premier temps, il dirige lui-même les opérations destinées à rechercher Montesinos. Mais bien vite, il comprend qu'il va lui être impossible de rester au pouvoir. Il annonce donc de prochaines élections. Des élections auxquelles il affirme qu'il ne se présentera pas. Puis, à l'occasion d'un voyage à l'étranger, 2 mois seulement après Montesinos, il fuit, lui aussi. Oui, je me souviens, il trouve refuge au Japon. Hein. Qui le reconnaîtra comme un citoyen japonais. Ce qui permet à Fujimori d'échapper à une possible demande d'extradition. J'ajoute que Fujimori n'est pas parti les mains vides. Avant de fuir, il a emporté une partie de la vidéothèque de Montesinos. Attends, je comprends pas, parce que... Montesinos, lui, ne s'était pas sauvé avec ses précieuses cassettes? Non, il n'en avait vraisemblablement pas eu le temps. Alors revenons à la cavale de Montesinos. Il semble qu'il soit d'abord allé à Panama, où il aurait reçu l'assurance d'être accueilli et protégé. Il n'a fait nul doute que ses amis de la CIA lui avaient préparé cette retraite. Mais les autorités de Panama, effrayées par tout ce qu'on racontait sur Montesinos, ont fait machine arrière. L'ancien chef des services secrets a alors navigué dans plusieurs îles des Caraïbes. Puis il a fini par se réfugier au Venezuela. On en a parlé récemment. Oui, il se trouve que le président vénézuélien, Hugo Chavez, l'avait autrefois connu. Il a eu la faiblesse de l'accueillir quelques mois. Sous un faux nom, il s'est fait refaire le visage. Il pouvait alors nourrir l'espoir de vivre une retraite dorée. Après tout, même si une partie de ses comptes numérotés avait été saisie, il lui restait assez d'argent. Mais Chavez, lui aussi, a fini par le lâcher. Et Vladimiro Montesinos a été extradé vers son pays. C'est exact, en juin 2001, je crois. Entre-temps, au Pérou, le grand déballage avait commencé. Les Vladivideos, comme on les a appelés... Vladivideos. Ouais, on fait les beaux soirs de la télévision péruvienne. Ont-elles tout été diffusées? Bien sûr que non. Il n'empêche que grâce à ces cassettes, plus de 180 personnes, dont plusieurs ministres et militaires de haut rang, ont été mises en examen. Donc pour vous, je résume, l'élimination de Montesinos a été méticuleusement préparée. Oui, je vous explique pourquoi. Ah, quand même. Montesinos, je vous l'ai dit, jouait sur les deux tableaux depuis très longtemps. En principe, il collaborait avec les Américains dans leur lutte contre les narcotrafiquants. Mais contre rétribution, il informait aussi ces derniers des actions qui allaient être menées contre eux. Toutefois, et pendant très longtemps, les Américains, qui étaient parfaitement au courant, ont préféré fermer les yeux. Mais pour quelle raison? Ils jugeaient, non sans raison, que le solde était positif. Ah oui, c'est-à-dire que grâce à Montesinos, ils obtenaient des résultats, c'est ça. Ouais. D'autre part, la CIA lui faisait confiance. Mais une autre agence américaine, la DEA, ne partageait pas tout à fait cet avis. La DEA, c'est l'agence chargée de lutter contre le trafic de drogue, c'est ça? Oui, la Drug Enforcement Agency. Les dirigeants de cette agence pensaient, à juste titre, que Montesinos était un homme dangereux et que sa compromission avec les narcotrafiquants risquait un jour ou l'autre d'éclabousser les États-Unis. En outre, et c'est encore plus grave, Montesinos et la CIA étaient mêlés à une opération qui pouvait provoquer un beau scandale si elle était rendue publique. De quoi s'agissait-il, hein? La CIA avait conclu un accord avec Montesinos. Un accord qui permettait aux Américains d'abattre sans sommation les avions des trafiquants de drogue qui survolaient le territoire péruvien. Au parfait mépris des lois internationales. Hein? Évidemment. Alors les gens de la DEA ont décidé d'agir et de se débarrasser de Montesinos. Ouais, en révélant ses turpitudes, enfin quelques-unes de ses turpitudes. Oui. Et l'origine de la chute de Montesinos se trouve là, dans ce conflit entre la CIA et la DEA. Dans le livre que j'ai déjà cité, La citadelle endormie, le journaliste Jean Guinel évoque cet accord clandestin passé entre les Américains et Montesinos. Un accord qui permettait aux agents de la lutte anti-drogue d'abattre les avions des narcotrafiquants. Mais il ne parle pas d'un éventuel conflit entre la DEA et la CIA. D'autre part, selon une autre version, la chute de Fujimori et de Montesinos aurait été provoquée par la hiérarchie militaire péruvienne avec la bénédiction de Washington. En tout cas, un mystère demeure. Qui a bien pu dérober la cassette dont la diffusion a tout déclenché ? À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et même des programmes plus anciens.